Vous écoutez Radio Différence, une émission de radio nantaise conçue par des personnes souffrant de difficultés psychiques. Vous pouvez nous écouter sur le site www.radiodifférence.eu ou nous contacter par mail à radiodifférence@hotmail.fr. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la famille car cela nous a paru un sujet important. Longtemps accusée de tous les maux par certaines personnes, la famille est aujourd'hui reconnue comme le meilleur soutien et partenaire des personnes ayant des difficultés psychiques. Les relations avec la famille ont une influence sur le pronostic social de la personne aux souffrances psychiques, puisqu'elle le soutient dans les coups durs et qu'elle le re-sociabilise lorsqu'il s'isole en lui offrant de la compagnie humaine. C'est elle aussi qui tire la sonnette d'alarme quand la personne est en crise et a besoin d'aller momentanément dans une structure de soins à plein temps. Le problème est que quand la maladie psychique arrive chez une personne, elle s'accompagne parfois de suspicion et de colère, qui vont en premier lieu se porter sur les personnes proches, c'est-à-dire souvent justement la famille. C'est que bien engendrer au début une incompréhension des autres membres de la famille. Pourtant, la famille est essentielle pour aider les personnes aux souffrances psychiques, et à part quelques très rares cas, la famille est toujours là. Toutefois, dans les très rares cas où la famille abandonne le patient, ou quand tous les membres de la famille sont morts, celui-ci se retrouve très seul, sans véritable filet de sauvetage en coup dur. Ceci est le cas d'un de nos participants de Radio Différence, et de beaucoup de personnes aux souffrances psychiques âgées qui sont fils uniques et dont les parents sont morts. Pour cette émission, nous avons interrogé les personnes afin qu'elles parlent de leur rapport à la famille. Bonjour, je m'appelle Marie-Sophie et donc j'ai eu des difficultés dans ma vie. Et aujourd'hui, on parle de la famille, donc je vous parlerai de ma famille actuellement et de ce qui se passe et de ce qui est en train de se passer. Et puis je vous parlerai aussi de mes souvenirs d'enfance. Oui, donc longtemps je me suis sentie très mal avec ma mère. Donc la famille, c'était symbolisé par ma mère et j'avais des relations très difficiles. C'était une sorte de guerre avec elle et j'avais des rapports un petit peu d'adolescente, d'adulte-adolescente avec elle. Et j'étais sans arrêt en conflit, j'avais sans arrêt l'esprit de contradiction, j'arrivais pas à m'entendre avec elle, je la trouvais comme un ennemi, et au fur et à mesure en allant mieux, petit à petit je me suis rapprochée d'elle, et en ayant moins de haine contre elle, l'amour s'est développé. Et parallèlement au sentiment que j'avais de haine avec elle, s'est développé des meilleures relations avec la société. Un petit peu, ma mère était le symbole de la société en fait. Tout ce qui était difficile dans la société, je le voyais dans ma mère. Et sinon, bon, ma famille, bien sûr, ce n'est pas que ma mère. Bien sûr, j'ai un frère, mais j'ai pas de relation, en fait, j'ai pas eu de relation avec mon frère et les relations ont été très très vite coupées, parce que lui avait des difficultés à comprendre cette maladie. Et donc il s'est éloigné de moi et maintenant les relations sont très distantes. Avec ma mère, ça a été difficile, mais ça va mieux maintenant. Et elle a mis beaucoup de temps à comprendre la maladie. Maintenant, elle la comprend et maintenant, on peut dialoguer. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, donc je vais vous parler un petit peu de ma famille, mais de ma famille quand j'étais enfant. J'avais le noyau familial, mon frère et mes parents. Mais ça ne me suffisait pas. Et en fait, j'allais voir beaucoup mes cousins-cousines qui habitaient juste en face. Donc quand j'étais petite, je traversais la cour et j'allais les voir, j'allais jouer avec eux. Et ils ont pris une grande importance dans ma vie, une grande importance affective. Et c'est grâce à eux que j'ai eu un début de construction de ma personnalité. Et je pense que quand on est petit, on a besoin de se construire. Si la famille ne peut pourvoir à cette construction, si elle n'est pas suffisante, on peut se construire à l'extérieur. Donc moi, je me suis construite grâce à mes cousins-cousines. Par contre, ce qui m'a manqué, c'est d'aller dans la société, un accompagnement dans la société. Par exemple, je suis épatée quand je vois des jeunes filles ou même des enfants qui tiennent des stands dans les foires ou qui accompagnent leurs parents commerçants. Là, je vois que ces enfants-là, ils ont leur une future intégration dans la société toute faite, parce qu'ils sont au contact de l'argent, ils sont au contact des gens, ils sont au contact du monde réel, de ce qui se passera plus tard dans leur vie, c'est-à-dire manipuler de l'argent, communiquer avec les gens, communiquer sur des sujets simples. Donc avoir une tournure d'esprit assez simple et légère d'une certaine manière, et ça m'a beaucoup manqué. Et lorsque mes cousins-cousines sont partis, je me suis retrouvée très très seule. Je me suis retrouvée avec le noyau familial, et je me suis retrouvée en fait isolée, et ça m'a fait un grand vide à l'intérieur. Voilà ce que je voulais rajouter. Bonjour, je suis Marie-Sophie. Je vais vous parler de la famille, mais de la famille face à la maladie, c'est-à-dire je vais me mettre du point de vue de la famille. Donc, pour la famille, lorsqu'un enfant, parce que moi j'étais l'enfant malade de la famille, lorsque l'enfant tombe malade, c'est une nouveauté et ça représente totalement un choc. La famille ne comprend pas ce qui arrive la plupart du temps et réagit de façon forte en mettant de côté le malade, en pensant, en se mettant des idées dans la tête et en imaginant des choses qui sont fausses la plupart du temps, comme en imaginant la méchanceté du malade, en imaginant que le malade fait exprès, en imaginant qu'il est ingrat, qu'il n'a pas de sentiments. Voilà. Donc, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Et donc, ça met vraiment la famille dans le désarroi. Ensuite, la famille va découvrir petit à petit la maladie, en même temps que les partenaires médicaux, c'est-à-dire que la famille va commencer à découvrir le monde psychiatrique qu'elle ne connaissait absolument pas. Elle va devoir composer avec le monde psychiatrique. Elle va aussi devoir accepter que leur enfant est malade, ce qui est vraiment, ce qui peut, enfin, d'une certaine manière, constituer un déshonneur pour cette famille. Donc ils doivent accepter qu'ils ont un enfant malade, et dans cette société c'est difficile, avec l'entourage, c'est difficile d'expliquer, bah oui, j'ai un enfant malade, qui va en psychiatrie, c'est très difficile à faire passer. Donc au cours des années, donc la famille commence à prendre contact avec l'UNAFAM, l'Union des familles de malades mentaux. Commence à se mettre au courant des structures, parce qu'elle est bien obligée et que la famille se bat, elle se bat comme le malade se bat. Et donc c'est au fur et à mesure que les années passent, la famille commence à comprendre la maladie. Voilà, elle commence un petit peu à se mettre à la place du malade. Enfin, je parle de mon cas. Ma mère en particulier, avec qui j'ai eu des rapports très très difficiles, ma mère a commencé à mieux comprendre ce qui se passait entre moi et elle, et maintenant elle arrive à comprendre pourquoi j'ai des difficultés, ce qui va pas, et surtout elle commence à comprendre mon discours, c'est-à-dire quand je m'exprime, elle commence à comprendre. Avant, elle trouvait que mon discours était totalement dérisoire, qu'il correspondait à aucune réalité. Elle voyait pas de cohérence dans mon discours. Maintenant, elle comprend beaucoup mieux. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Et maintenant, un peu de musique avec la chanson Afilas du groupe Lifelong Fiction. Je veux précisément vous parler de mes rapports avec ma famille, qui ont été orageux, mais quand même, ils m'ont bien aidé dans les moments difficiles. Mais je veux surtout dire que la famille a un rôle assez ingrat, parce que moi, je prends les hommes de ma mère, et elle a toujours été opposant à la psychiatrie. Les psychiatres, pour elle, c'était des gens qui étaient plus fous que les malades. Alors, elle s'engueulait à chaque fois que j'ai été convoqué chez le psychiatre pour parler de mon cas, quoi. Alors, mais moi, personnellement, j'ai pas de véritable critique à faire, sauf qu'à une époque, j'étais incapable de prendre quelques décisions, que ce soit. Et donc j'étais épaulé par, j'étais un peu poussé par ma famille dans un sens et dans l'autre, mais je ne regrette pas parce que c'était quand même la parole du bon sens, quoi, du bon sens, ça veut dire la parole, tu ne connais pas le système physique, mais tu n'as pas d'autres ressources pour soigner son pauvre fils qui est malade ou sa pauvre fille qui est malade, c'est de le mettre à l'hôpital. Si par exemple je fais une critique un peu générale de la famille ça va très bien, tant que ça va bien, ça va, mais tant que vous commencez à taper dans les boîtes, elle n'hésite pas à vous mettre en placement volontaire. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mais en fait, avec le recul, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives que celle-là. Famille, je vouais, a dit Gide, écrivain fameux et homosexuel. Mais moi, je vous aimais est le titre d'un livre de Gilbert Cesbron que je n'ai pas lu, mais qui est peut-être l'histoire de quelqu'un que sa famille a rejeté, abandonné et oublié pour une raison ou une autre. Il y a souvent dans les familles un secret de famille, quelqu'un dont on ne parle pas, c'est interdit, qu'on ne fréquente pas ou qu'on a préféré oublier parce qu'il faisait tache, ombre au tableau. Par exemple, le plus souvent, comme on dit, un oncle qui aurait eu de mauvaises mœurs. Les secrets de famille, les choses tues par convenance, ont pour particularité de ressurgir chez l'un ou l'autre membre de la famille sous forme de symptômes, de dépression ou autres problèmes, par fidélité à cette personne du passé dont on a voulu se débarrasser, par exemple en l'enfermant pour de bon dans un hôpital psychiatrique. Dans le cas de ma famille, cet oncle gênant, c'est moi. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à me travestir en secret avec les vêtements de ma mère, puis ceux de mes sœurs, et j'ai très tôt découvert la masturbation, les fantasmes. J'étais un garçon, mais j'aimais me sentir fille. On peut appeler ça perversion ou paraphilie. Freud a dit, je crois, que cela était un système que l'enfant adoptait pour éviter la psychose. Comme défense psychologique, on a, paraît-il, le choix entre névrose, psychose et perversion, mais c'est un choix qui n'est pas libre. La perversion, en tout cas, est un choix qui ne plaît à personne, surtout pas aux familles. Ma famille est composée uniquement de gens très bien, hétérosexuels, mariés, avec des enfants et des petits-enfants. Moi seul suis célibataire, ai connu la psychiatrie, et ma famille se réfugie dans son ignorance du sujet et préfère me tenir pour seul coupable et responsable de ma situation. Je ne peux espérer aucune solidarité de leur part, ni même du côté de la psychiatrie. Je suis moi-même ma seule famille. Je suis seul face à moi-même et à la société. Il ne me reste que ma relation avec le médecin généraliste qui me renouvelle mon traitement psychotrope tous les 3 mois. Le travestisme et le transgendérisme sont généralement mal compris. C'est une forme d'hétérosexualité, quelque chose de pathétique, diront certains, de ridicule, risible, mais qui apparemment n'a pas sa place dans la société ou dans la famille, ni même en psychiatrie, depuis que dernièrement le gouvernement a décrété que ce n'était plus considéré comme une maladie mentale. Qu'est-ce donc alors? Suis-je encore le frère de mon frère et de mes sœurs, mes parents étant morts? Ai-je accès à l'amour, à l'amitié? Quelqu'un a dit dernièrement que la fratrie, ce n'était pas la fraternité. Je m'en suis aperçu. Je voudrais lire ce texte d'un chef indien qui donne ses derniers conseils à son fils. Mon fils, tu dois savoir que personne ne t'aidera dans ce monde. C'est toi qui dois te préparer. Apprends à courir dans les montagnes, cela te rendra fort. Mon fils, tu dois savoir que tu n'as pas d'amis. Pas même ta sœur, ton père ou ta mère, ce sont tes jambes qui sont tes amis. C'est ton cerveau qui est ton ami. Ce sont tes yeux qui sont tes amis. Ce sont tes cheveux qui sont tes amis. Ce sont tes mains qui sont tes amis. C'est avec ça que tu dois te préparer. Je voudrais donc remercier tous ceux qui m'ont rejeté, ma famille qui m'a dit de me démerder, la psychiatrie avec qui je n'ai plus grand-chose à faire, tous ceux qui me regardent de travers ou m'ignorent ou me méprisent. On n'est pas fait pour rester toute sa vie dans sa famille ou en psychiatrie. Le but est de devenir une sorte de chef indien, seul face à soi-même, responsable de soi. Chacun pour soi et Dieu pour tous. La société n'est pas une famille, a écrit Gérard Mandel. En ce qui me concerne, je ne cherche pas une famille qui m'adopterait, me délivrerait de moi. J'ai eu une famille quand j'en avais besoin enfant, et après je me suis un peu attardé dans l'enfance, mais maintenant j'essaie d'être adulte et de me tenir sur mes propres jambes autant que faire se peut pour faire partie de la vie de façon aussi libre que possible. La famille c'est bien, la liberté et la solitude sont une autre aventure intéressante. Merci la vie, merci papa, merci maman, merci à mes amis, merci à mes ennemis et vice versa. Merci à mon médecin, aux pharmaciennes de mon quartier et aux inventeurs des psychotropes, à tous ceux qui m'ont permis de réaliser l'exploit extraordinaire pour moi de quitter ma famille, ma chère famille que j'ai tant aimée, trop peut-être. Maintenant qu'on m'a laissé seul face à moi-même, parce que je suis parti à ma propre recherche, à ma propre rencontre, je n'ai plus que moi. Je suis mon seul ami et ma seule famille. J'ai quitté ma famille par force, ou c'est elle qui m'a quitté. J'y ai été si heureux enfant. Le problème est qu'il a fallu grandir, buter sur l'angoisse à l'entrée dans la vie, me posant des questions, suis-je homosexuel, et la posant à ma grande sœur, elle a répondu, pas de ça chez nous. Et puis mes chers parents sont morts, mes braves frères et sœurs ont continué dans leur vie de famille, et m'ont en quelque sorte dit, casse-toi. C'est une méthode radicale pour quelqu'un qui a du mal à quitter son milieu d'origine, à se séparer de la matrice. Et maintenant, un peu de musique avec le morceau AX Music du groupe SPS. les rapports que j'ai entretenus avec mes parents, avec mes relations extra-parentales, extra-familiales, ont toujours été bizarres. Et j'ai pas tout petit imaginé quels étaient mes liens familiaux. J'avais pas ma place de petit garçon, de fils dans ma famille, bien que j'étais élevé comme un enfant. Ma propre étude individuelle au sein de ma famille, je la considère comme inachevée. Tant que mes parents seront encore en vie, j'espère qu'ils continueront à vivre, ils ont un certain âge maintenant. J'ai la difficulté d'assurer avec mes parents un lien parce qu'ils sont absents. Ils ont été absents parce que je me suis absenté aussi. C'est une relation d'absence. C'est toujours l'ailleurs, l'autre qui est ailleurs, qui est absent. Mon père me disait d'ailleurs l'an dernier, moi j'aime bien être ailleurs. Alors quand on aime bien être ailleurs, on assume difficilement d'être tranquille avec soi et avec soi-même, avec son fils ou avec sa fille. Mon père n'a pas eu peut-être beaucoup de chance d'avoir une fille qui est partie, qui nous a quittés. Une autre fille qui a fait une psychanalyse, qui était névrosée, qui est sortie en partie de sa névrose. Un fils qui avait fait des études supérieures et qui s'est retrouvé artiste sculpteur en difficulté parce que bon c'est un travail qui gagne pas son pain quoi, comme on dit. Un autre frère qui vit célibataire et qui n'a pas d'enfant, donc les liens avec ma famille, je considère cette famille thérapeutique, ça n'a pas eu l'effet thérapeutique qu'elle aurait dû avoir sur ma santé et sur les problèmes sociaux que j'ai rencontrés après mes études et actuellement. Je pense que la problématique sociale, elle existe pour moi et puis elle n'est pas résolue. Je crois qu'elle ne se résolvera jamais parce que je suis seul, la solitude m'encombre. J'ai des difficultés à m'accepter moi-même dans cet état vacant lorsque je travaille pas. En plus, c'est l'été, on n'aura pas de vacances. Et j'ai entendu à la radio que les vacances moyennes des Français sont réduites à 15 jours dans l'année, ce qui est très peu en moyenne. Donc ça n'a rien à voir avec les familles, mais les familles en trinquent, quoi. Et les enfants trinquent aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pris beaucoup de vacances pendant mes études, qui ont été longues jusqu'à 27 ans. Quand vous faites des études, vous avez des parents qui vous monnaient pour faire vos études. En contrepartie, vous faites vos études, vous réussissez les diplômes. Mais après, qu'est-ce qui se passe pour c'est pas le but ultime de faire des études. Il faut retrouver, après, de tomber de très haut. Il faut commencer par le haut, disait un professeur. Il faut commencer par le haut. Et terminer par le bas, c'est très, très marrant, mais c'est pas marrant du tout, parce qu'on se rend compte que les études théoriques nous donnent des savoirs qui nous isolent, qui nous individualisent et qui nous séparent de nos proches, plus simples et plus moins distants. Ma famille, je l'apprécie, mais une certaine nostalgie de cette absence, irrémédiable, quasi moribonde, qui me rend un peu morbide. Je suis assez content de rencontrer ma mère, qui a 82 ans, et qui est en position de désamour, il y a des amours, comme si c'était la mauvaise mère, on m'avait dit la mauvaise mère, le père absent remarié, le bon père, mais qui est loin, en ce moment il y a Cannes, je rejoins au mois de juin pendant 15 jours, je vois au moins pendant 15 jours par an. Vous me direz, les parents de la famille, c'est du passé, quand on a 25-55 ans, on n'a pas besoin de se penser, mais il y a toujours le mais, elle existe. Et lorsque on a passé ses enfants à soi, on est obligé de continuer à considérer sa propre famille. Je n'ai pas besoin de recommencer et rabâcher des théories analytiques qui nous viennent de cet Autrichien très connu pour dire que les rapports enfants-parents et parents-enfants sont toujours particuliers à chaque famille. Donc certains hésitent et ne veulent pas parler de relations avec leurs parents. C'est toujours des problèmes de cœur, des problèmes de haine, des problèmes d'amour qui sont mélangés. Et comme c'est sentimental et que l'éducation sentimentale n'est pas faite forcément dans les familles, mélanger l'éducation scolaire ou projectale pour un travail du travail, on a des difficultés à savoir si on plaît, si nos parents sont dignes d'amour, s'ils nous aiment. C'est pas tout d'aimer, comme disait une ancienne de mes amies, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Et cette parole, je commence à la comprendre, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Et beaucoup de parents croient aimer simplement en verbalisant et certaines mères ne sont pas très tendres. Ça dit que le fait de ne pas être tendre avec la société, elle est similaire et que la tendresse est un peu droitier. Le père, si la mère n'est pas tendre, elle n'applique pas ses émotions maternelles, donc elle ne remplit pas son travail de mère avec ses enfants, le père n'est pas content. D'où des révoltes des enfants qui n'ont pas l'attente, surtout des fils qui n'ont pas l'amour de leur mère et qui ont tendance à manquer de schéma amoureux plus tard avec une femme, ou des ambivalences, des attentes sexuelles, des travaux à faire pour connaître vraiment son choix sexuel. Dans le cas des filles, c'est pareil. Il y a une attraction vis-à-vis du père, parce que la mère n'est pas trop maternelle avec les fils. C'est tout pour ça qu'il se produit, il y a un balancement, la mère est liée, pas liée avec les fils. Par contre, le père est lié avec ses filles. Et c'est ce remplacement de la mère du père lié avec ses filles crée un désordre dans la famille. Alors, dépend des parents et de l'harmonie familiale.